jusqu'au bout de l'année, t'attendre sans rien dire, comprendre que tout sera fini juste avant le lever du jour. Se méprendre impuissant sur les comptes de tes tourments, te graver dans son cœur pour longtemps. Se trouver est toujours là, malgré le temps qui passe. Cet amour jamais ne se lasse, ne se rassasie, ne se fâche. Jusqu'au bout de la nuit, survivre à cette passion de vivre qui jaillit sans cesse en nous. Jusqu'au bout de la nuit, survivre à cette passion de vivre qui jaillit sans cesse en nous. Jusqu'au bout de la nuit, survivre à cette passion de vivre qui jaillit sans cesse en nous. Cette passion de vie qui jaillit sans cesse en nous.